mis sur DJ, j'ai le groove comme Janet. Y'a pas moyen que ça bafouille d'apprendre à caner. J'suis avec Wira 132 dans la plazaka. J'approche au beat comme Astor, ce pur tracas. NOSS, Astor de Time pour te mettre à mon gros. C'est pour OTT, y'a pas moyen que j'en fasse trop. J'vais pas faire le relou, ça arrive comme As. Tranquille, ok. Oh oh, j'crois que ma rue a un petit creux, grâce des chicots, alors j'applique. J'ramène la carte à la vie que sauf de la graille et pas qu'un petit peu. Pas le liquide qui va remplir le beat vite et type. Mais tellement peur dans mes écrits qui sont devenus rachidiques. T'apprenais pas comme tout le monde, légèrement plus gourmand. Qui vend le beat que l'humain, faut de l'appétit pour semer de la misère et des tourments. J'demande à la street, est-ce que des bons MD absolument. Si balance à frais, j'provoque un éboulement, c'est mon défoulement. J'ai les chats en train dans deux secondes, le métro se plante. Les faux vols déposent mon flow à la banque, le lambang, mon micro c'est un tank. Le système bangin, voilà ma sinox, c'est ce bang. Le son à texte sous la dent, retourne ta langue comme l'arrière-goût de la mangue. Hi, d'Apro FP, 1, 3, 2, hi. Adopté à son de dingue, mon gros. Mon instant de tir sous les bombes, on s'admire. Un instant d'air pur durant le pire, tout le temps de m'attendrir. Ici c'est la guerre dans le son, aussi le secteur. Alors les mauvais garrots, par si on demande une garo. Garde le sang froid, présent sur parvis. Survie dans le ghetto, jamais semblant, trop peu de semblables. Sache qu'ici on frappe sans gants et qu'on tire jamais sans balles. Bâtard Sarkozy me cause des soucis. Fait que fronce ses sourcils depuis que les villes si en 3-6 prennent pour Starsky. Tu peux béton pour 3G, finir à Bois d'Arcy. Des talons pour paraître âgé, reste à jeun pour pas outrager. Du talent pour trouver le poids, Ayo le mic, c'est NOSS.